au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis quelques mois, lorsqu'on parle de Calais, c'est pour évoquer sa jungle et ses migrants. Eh bien aujourd'hui, Franck Ferrand nous fait découvrir la cité calaisienne sous un autre angle. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est en 1346 que le roi d'Angleterre, Édouard III, est venu mettre le siège sous les murs de Calais. Un siège terrible de plus de 10 mois qui s'est achevé par l'épisode bien connu de la reddition des fameux bourgeois de Calais. C'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Et après quoi vous recevrez Jean-Marie Meuglin qui a étudié de très près cette affaire des bourgeois de Calais. Oui, et qui donc pourra nous dire ce qui est vrai dans cet épisode et ce qui relève plutôt des mythes et légendes. Et à la fin de l'émission, vous nous ferez visiter Calais et ses environs. Voilà, nous allons en effet découvrir la côte d'Opale et ses merveilles, un petit peu occultées ces temps-ci, vous l'avez dit, par une actualité plus sombre. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. De la guerre de 100 ans. Alors je dis guerre de 100 ans, il est bien évident qu'à l'époque on était loin d'imaginer que ce conflit allait s'éterniser pendant plus d'un siècle. On pensait qu'il s'agissait seulement d'une sorte d'escarmouche ou en tout cas d'un conflit passager entre les rois d'Angleterre et de France. Conflit territorial et dynastique, bien entendu. Quand je dis un conflit territorial, c'est parce qu'il est lié à un héritage qui fait du roi d'Angleterre le suzerain de l'Aquitaine, en terre française donc, et du roi de France le suzerain de la Flandre dans la zone d'influence anglaise. Tout ça ne peut pousser les deux royaumes qu'à se faire la guerre. Là-dessus vient se greffer un conflit dynastique à propos du trône de France qui oppose Édouard Plantagenet à Philippe de Valois. Oh, la raison en est toute simple. Nous y reviendrons si vous le voulez, mais c'est une question de succession des derniers Capétiens directs. La couronne est donc passée au prince Philippe de Valois qui devient Philippe VI. Les Anglais, s'ils peuvent admettre que les femmes ne portent pas la couronne en France, estiment en revanche qu'elles peuvent très bien la transmettre. Or, par sa mère, le roi Édouard III est le petit-fils de Philippe IV, le petit-fils de Philippe le Bel. D'ailleurs, il se fait appeler roi d'Angleterre et de France. Voilà pourquoi ce roi Édouard III Plantagenet, débarque dans le Cotentin à Saint-Val-la-Hougue le 12 juillet 1346. Vous doutez bien que Philippe ne va pas le laisser faire et que sa petite armée très mobile, quelques milliers d'hommes, dont beaucoup d'archers, que cette petite armée va vite avoir sur les talons la lourde armée de chevaliers réunie par Philippe de Valois. Il fallait bien que ces deux masses armées entrent en contact un jour ou l'autre. Eh bien, la confrontation, c'est à Crécy-en-Ponthieu qu'elle a lieu le 26 août. Or, surprise, cette bataille de Crécy voit le triomphe des archers anglais sur une chevalerie française empêtrée dans ses armures et ses caparaçons. Pour bien marquer sa victoire, Édouard va rester campé 5 jours près du sanglant champ de bataille, puis il poursuit sa marche vers le nord de la France. Il rejoint le littoral. Il ne cherche pas à prendre possession de Boulogne, qui est trop bien défendue. Il va simplement dévaster toutes les régions qu'il traverse, allant jusqu'à brûler 800, par exemple. Et enfin, le 4 septembre 1346, le voilà qui met le siège sous les murs de Calais. Vous allez me dire pourquoi justement Calais? Eh bien, en vérité, ce n'est pas un hasard. Pour le roi d'Angleterre, qui se dit aussi roi de France, cette ville de Calais est essentielle. D'abord, c'est un nid de pirates. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Jean-Marie Meuglin. C'est fondamental, cette affaire. C'est un port qui est juste là, juste en face de l'Angleterre. C'est en quelque sorte la serrure du royaume de France, une tête de pont à partir de laquelle on peut tout tenter. Le problème, c'est que la ville est non seulement protégée par un double rempart, qui est vraiment très, très puissant et quasiment inexpugnable, mais surtout cette ville est entourée de marécages qui rendent les mouvements de troupes difficiles et qui interdisent l'emploi des grosses machines de guerre. Eh bien tant pis, Édouard se dit qu'après tout il n'est pas pressé, il y mettra le temps qu'il faudra, mais il prendra la ville. Il en fait même le serment public. Ça n'est jamais bon, parce que ça, c'est un augure d'entêtement. Donc, puisque les Anglais s'installent pour un moment qui risque d'être long, ils se mettent à construire une véritable ville en bois qu'ils vont baptiser Villeneuve-la-Hardie, avec un château en bois pour le roi et sa cour, avec des baraquements pour les hommes, pour les chevaux, des loges qui accueillent un marché deux fois par semaine, enfin, etc. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que des renforts ne cessent d'affluer depuis l'Angleterre par la mer. De 32 000 hommes fin septembre, la population de Villeneuve-la-Hardie va passer à plus de 100 000 à la fin de l'année, si bien que à la Toussaint, on peut envisager d'installer au pied, enfin sous les murs de Calais, quasiment une annexe de la cour d'Angleterre. La reine elle-même, Philippa de Hainaut, qui malgré une grossesse avancée, ne veut pas rester trop longtemps loin de son mari, la reine va venir s'installer dans la ville en bois. Et puis pour Noël, Édouard fera venir de Londres les chanteurs et les musiciens de sa chapelle. Tout ça, c'est la preuve, s'il en fallait une, que le roi d'Angleterre est déterminé à tenir un siège véritablement long dans la ville. On a tout de suite pris au sérieux le serment du roi d'Angleterre. Seulement, on reste fidèle à celui que la population considère comme le roi de France légitime, ce prince français Philippe de Valois, qui donc est devenu le roi Philippe VI. Il faut que vous ayez une idée de ce à quoi peut ressembler Calais à l'époque. Nous y reviendrons tout à l'heure et nous essaierons de nous promener dans le Calais médiéval. Disons que c'est une bourgade maritime, un port de grève, hein, bien sûr, il n'y a pas de quai à l'époque, un centre de négoce et de terroir qui compte 8 à 10 000 âmes. Trois autorités se partagent la conduite des affaires à Calais, les échevins de la ville, bien sûr, les bourgeois si vous préférez, le corps municipal, le bailli qui représente le comte d'Artois, et puis, dès le début du siège, un capitaine envoyé par le roi de France, le jeune Jean de Vienne, qui est originaire de Franche-Comté et qui est arrivé là à la tête d'une troupe qui n'est pas très nombreuse, c'est vrai, mais qui est très aguerrie. Une précision qui pourrait paraître secondaire et qui en fait est absolument capitale, le 4 septembre, quand Édouard est venu mettre le siège sous les murs, la moisson venait tout juste d'être faite. Les grains n'étaient pas encore battus. Seuls les bourgeois les plus riches possèdent donc des réserves. Pour tenir, il va falloir prendre des mesures draconienne. Et la première des mesures qu'on prend dans ce genre de cas, malheureusement il n'y a pas eu un seul exemple, hein, on en a de multiples, c'est qu'on exclut les bouches inutiles. C'est ce qu'on fait dès le mois d'octobre. Tous ceux qui ne peuvent pas servir d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, à la protection de la cité, sont exclus. Et pour les autres, eh bien, on rationne les quantités de nourriture. On essaie aussi de se ravitailler autant que possible. Mais du côté de la terre, on ne peut pas du tout, puisque les Anglais tiennent tous les accès. Le seul moyen, c'est d'essayer par voie de mer. Forcément, ce ravitaillement par la mer est rendu très difficile par les patrouilles effectuées en permanence par la flotte anglaise. On parvient quand même à faire passer de nuit notamment et par des chenaux dérivés quelques barques à fond plat. Ça va durer toute une partie de l'hiver et bien sûr, le roi Philippe VI finance ce trafic. C'est son intérêt que la population de Calais puisse survivre. Seulement, il ne faudrait pas prendre Édouard d'Angleterre pour un imbécile. Il sait très bien que son siège est inutile si le blocus terrestre peut être contourné par les côtes. Et voilà pourquoi il va lancer dès le 15 février 1347 une opération de blocage des côtes. 120 navires sont mobilisés pour l'opération, c'est considérable, hein, des milliers de marins. Et on va en profiter pour hérisser toutes les plages de pieux qui interdisent le passage aux barques en provenance de Boulogne. 80 navires sont constamment en patrouille devant Calais. Autant dire que l'accès par la mer relève de l'exploit. Il y a quelques rares embarcations qui parviendront quand même à gagner Calais. Mais la quasi-totalité sont arrêtées avant, ou même sont coulées, ou sont refoulées. Bref, on ne peut plus accéder. Cette fois, on peut dire que la ville est coupée du monde. Et d'autant plus qu'Édouard, pour compléter son dispositif, dispose d'une forteresse proche de la ville, qui s'appelle le Fort Risban, forteresse sur laquelle on va édifier toute une structure en bois munie d'armes de jet. Ça commence à devenir très inquiétant, cette affaire. Ceux de Calais, comme les nomme Édouard, les pauvres assiégés, sont désormais non seulement coupés de tout, mais en permanente sous la coupe des armes de jet et sous l'effet d'une menace permanente, leur capitaine Jean de Vienne ne voit plus d'issue sans un secours du roi Philippe VI de Valois. Est-ce que le roi va venir au secours des Calaisiens? Il semble bien que oui. extrait de la bande originale du film Jeanne d'Arc, hein, signé Luc Besson, et une musique composée par Éric Serra. Vous nous racontez cet après-midi, Franck, un épisode très célèbre de l'histoire de France, le siège anglais de la ville de Calais. Alors tout le monde appelle Philippe VI de Valois au secours, mais j'ai quand même une question avant que vous repreniez votre récit. Que venait faire ce roi d'Angleterre sous les murs de Calais? Mais en fait, il venait installer une tête de pont. Et son intention était, après Calais, d'aller beaucoup plus loin, bien entendu. Encore une fois, Édouard III s'estime le souverain légitime de la France parce que sa mère était la fille du roi Philippe IV le Bel. Or, les fils de Philippe IV, l'un après l'autre, Louis X, Philippe V, Charles IV, sont morts. Ce sont les fameux rois maudits, vous savez. La dynastie s'est donc interrompue. C'est un cousin, Philippe de Valois, qui est devenu le roi, Philippe VI. Et donc le roi d'Angleterre se dit, pourquoi pas moi? Aujourd'hui, ça nous paraît une prétention délirante. Si vous vous remettez dans le contexte de l'époque, ça n'est pas tout à fait inenvisageable. N'oubliez pas ce principe de double couronne qui avait été institué à la suite de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Bâtard, le Guillaume de Normandie. Donc, on peut comprendre les conseillers qui poussent Édouard III à mener cette opération très ambitieuse sur le continent. Alors, je vous ai dit que le problème, c'était d'essayer, évidemment, d'entrer en contact avec les assiégés. Le 26 juin, Jean de Vienne, donc le capitaine qui tient la petite garnison de Calais, fait sortir deux barques qui, avec l'énergie du désespoir, tentent de franchir les lignes de navires anglais. Elles n'y parviennent pas. Leur mission, c'était d'en appeler solennellement au roi de France. La lettre de Jean de Vienne a été interceptée par les Anglais. Voilà ce qu'elle dit. Je cite la lettre. « Sachez qu'il n'y a rien qui ne soit tout mangé. » Il n'y a plus rien à manger dans cette ville. « Et les chiens, et les chats, et les chevaux, de vivres ne pouvons plus trouver si nous ne mangeons chair de gens. Aussi sommes-nous mis d'accord que, si nous n'avons bref secours, nous sortirons hors la ville pour combattre, vivre ou pour mourir. » Et il est vrai que dans la ville, on en est réduit à gratter les murs pour manger les poussières. C'est ici très certainement qu'il faut placer un épisode pénible que relatent plusieurs chroniqueurs. Certains des habitants de la ville, poussés à bout par les privations, vont prendre la décision de se rendre. Ils sont sans doute plusieurs centaines à se présenter hors les murs. Ils sont là face à l'assaillant. Or, ce qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est que cette fois, le roi de France, sans avoir eu besoin de recevoir leur cri de désespoir, s'apprête à voler à leur secours. À partir du 24 mai, Philippe de Valois, Philippe VI, réunit à Arras une armée nombreuse, puissante, bien que le roi de France n'ait pu obtenir le concours de ses vassaux flamands, qui eux-mêmes sont prisonniers du sentiment pro-anglais de leur population. Les Flamands, qui commercent tellement avec l'Angleterre, ont aucune envie, évidemment, de se battre pour les Français. Cette armée, très importante armée, 100 000 fantassins, 35 000 cavaliers, cette armée se met en marche à la mi-juillet 47. On est donc presque un an après le désastre de Crécy, et à la plus grande joie des Calaisiens qui n'en croient pas leurs yeux, elle parvient enfin, cette armée, dans la soirée du 27 juillet, à deux lieues de la ville assiégée. Elle est là, cette armée, sur les hauteurs de Sangatte. Seulement, les maréchaux du roi, une fois parvenus à pied d'œuvre, font un constat très sombre. Les Anglais, depuis tout ce temps, ont pu se permettre de prendre le contrôle complet d'une région qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, est marécageuse. Le roi Philippe, qui ne peut offrir, qui ne peut prendre le risque d'un second Crécy, dispose d'une marge de manœuvre extrêmement réduite, pour ne pas dire carrément nulle. Il va proposer à Édouard, roi d'Angleterre, de l'affronter en combat singulier. C'est le fameux cartel de défis qu'on voit revenir constamment entre les souverains au Moyen-Âge. Seulement, le roi d'Angleterre, qui connaît la situation et qui sait qu'elle est en train de tourner à son avantage, bien entendu, refuse. Le 29 juillet, on annonce l'arrivée d'une délégation pontificale envoyée d'Avignon par le pape, puisqu'à l'époque la papauté est encore en Avignon. Les cardinaux offrent leurs bons offices aux deux souverains. Les Français sont prêts à offrir le comté de Ponthieu et le duché de Guyenne contre la levée du siège. On va donc extrêmement loin. Il n'empêche qu'Édouard, qui se sent plus fort que jamais, ne veut rien savoir. Les émissaires pontificaux vont faire constamment la navette entre les deux camps, entre Villeneuve et Sangatte. Il faut croire qu'eux-mêmes n'y croient pas tellement. Ceux qui y croient, ce sont les Calaisiens, bien sûr. À l'intérieur de la ville, vous imaginez toute une population, en tout cas toute la population encore valide, qui est là, au mur, et qui pousse de grands cris et qui fait de grands gestes en direction du campement des Français. Pour attendrir le roi Philippe et pour l'appeler au secours, on allume de grands feux d'espoir sur les hauts murs, on tape sur des tambours jour et nuit, on souffle dans des trompes qui rendent un son désespéré à vous fendre l'âme. Philippe de Valois va rester des heures et des heures à observer de loin la détresse de ses sujets, l'espoir des Calaisiens. Il a les larmes aux yeux, il perd tout appétit, nous dit la chronique. La situation le torture, seulement il n'a aucun moyen d'agir. Je vous l'ai dit, les positions anglaises sont trop bien assurées. Si le roi intervenait, il se ferait littéralement tailler en pièces au moindre mouvement de troupes. Alors la mort dans l'âme. Philippe VI va prendre une décision qui est sans doute une des plus difficiles qu'un roi de France ait jamais eu à prendre. Dans la nuit du 1er au 2 août, il décide de lever le camp et de faire repli avec son armée. Et c'est ainsi que dans les lueurs de l'aube, ce jeudi 2 août 1347, les Calaisiens qui ont pu tenir, qui sont encore au rempart, observent horrifiés l'armée venue les secourir 5 jours plus tôt et qui disparaît derrière les dunes, qui disparaît, qui plie bagage et qui s'en va sans avoir rien tenté. Vous imaginez l'état de désespoir, de prostration de Jean de Calais après le départ du roi Philippe ? Cette fois, la seule issue possible reste la reddition pure et simple, ce qui signifie que très probablement, les Anglais vont passer tous les survivants au fil de l'épée. Le 3 août, dans la matinée, Jean de Vienne tient conseil des chefs de sa garnison et des échevins. Il est là, plus mort que vif, mais toujours digne. Il va s'avancer au rempart et il demande à parlementer. Édouard III lui envoie le seigneur Gauthier de Mauny, un de ses principaux conseillers, ainsi que plusieurs de ses chevaliers auxquels le capitaine fait part de l'intention des habitants de Calais de se rendre au roi d'Angleterre, à la condition toutefois qu'il leur accorde la vie sauve. Gauthier de Mauny répond à Jean de Vienne que son maître est très irrité contre les Calaisiens, qu'il aura du mal à le convaincre de se montrer clément envers les survivants. Et de fait, dans le camp des Anglais, une discussion très vive s'est engagée et c'est là que va apparaître et c'est là que va survenir cette idée. Qui l'a eue cette idée ? Et quelle est-elle cette idée ? Mais c'est ce que je vous raconte dans un instant. Cet après-midi, Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire du siège de Calais. Nous sommes en 1346-1347. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité Jean-Marie Meuglin, historien et professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne. Pour cela, eh bien, vous le savez maintenant, vous avez rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook au cœur de l'histoire avec tous vos messages ou alors Twitter avec le hashtag ACDH. La suite de ce récit, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Reviens dans un instant. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un très célèbre épisode de l'histoire de France que vous nous racontez aujourd'hui. Et même si l'on connaît presque la fin, c'est un suspense insoutenable sur lequel vous nous avez laissé. C'est l'histoire du siège de la ville de Calais. Alors comment tout cela va se terminer, Franck ? Dans le camp anglais, on ne veut rien entendre. Le roi Édouard se montre très peu enclin à la clémence. Il estime que ces Calaisiens lui ont coûté bien trop cher en hommes, en temps et surtout en argent. Vous imaginez, ça fait une année complète de son règne quand même qu'il a passé sous les murs de Calais. Ils ont réussi à l'immobiliser, lui le souverain de Grande-Bretagne, pendant donc tant de temps. Et maintenant, ils osent réclamer la vie sauve. Mais quelle impudence s'emporte Édouard. Si l'on en croit deux grands chroniqueurs, Froissart bien sûr et Jean le Bel, c'est ici que se situe donc l'épisode des bourgeois de Calais. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est très connu. C'est tellement connu que c'est devenu une des grandes pages, une des têtes de chapitre de l'histoire de France et du roman national. Je résume ça en quelques mots si vous le voulez. Le roi Édouard renonce à tuer tous les survivants du siège de Calais à condition que 6 d'entre eux, des hommes valides, respectables et de bonne famille, ce sont des formules qu'on trouve très régulièrement dans la littérature de l'époque, que ces hommes valides se dévouent pour les autres et lui apportent les clés de la ville en procession honteuse, vêtus d'une simple chemise, les pieds nus et la corde au cou. Il devait se livrer pour subir seul, au nom de tous les autres, le châtiment suprême qu'il leur réservait. C'est en tout cas comme ça qu'on nous le présente. Froissart décrit le capitaine Jean de Vienne réunissant la population sous les Halles pour leur faire part de l'exigence terrible formulée par le roi d'Angleterre. Cette épreuve supplémentaire, vous imaginez, qui vient s'ajouter à toutes celles qu'a pu subir cette population calaisienne depuis tant de mois maintenant, cette épreuve ne pouvait que semer la désolation chez des gens tellement éprouvés. Et c'est dans un climat de pleurs, de gémissements, qu'un des plus riches bourgeois de la ville, il s'appelle Eustache de Saint-Pierre, se lève soudain et se dévoue le premier pour sauver ses concitoyens. Et il va être suivi par un certain Jean d'Aire, puis par deux frères, Jacques et Pierre de Wissan, puis par Andrieux d'Ardres et Jean de Fienne, qu'il ne faut pas confondre avec le capitaine Jean de Vienne. Et voilà que tous les six se déshabillent en silence, se charge de lourds trousseaux de clés, ceux de la ville, hein, du château, etc., et s'en vont, tels des héros sublimes, jusqu'au camp d'Édouard pour y subir leur supplice. C'est un moment de dévouement, d'abnégation à donner en exemple aux élèves à travers les siècles, bien entendu. Or, le roi d'Angleterre, que ses chevaliers ne parviennent pas à amadouer, a déjà fait appeler le coupe-tête. On ne plaisante pas à la cour d'Angleterre. Et c'est là que son épouse, la douce Philippa de Hainaut, va se jeter à ses pieds en larmes et réclamer la grâce des six condamnés. Et le roi Édouard ne résiste pas aux supplications de son épouse. Il va finir par la lui accorder, cette grâce. Et la reine, toute heureuse de sa belle action, nous dit la chronique, emmène les six bourgeois graciés pour les faire vêtir et restaurer. Voilà donc à grands traits cet épisode tellement fameux des bourgeois de Calais, cet épisode qui a été tant de fois mis sur le théâtre, dans les romans, partout, évidemment, surtout dans tous les livres scolaires. Ça a inspiré à Rodin une de ses œuvres les plus admirables et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure. C'est très beau tout ça, mais il semblerait que ce ne soit pas tout à fait vrai. Ce qui est certain, et nous allons tout à l'heure, dans un instant maintenant, nous allons demander à Jean-Marie Meuglin ce qu'il pense véritablement de toute cette version. Ce qui paraît certain, c'est que Édouard ait pris possession de la ville le 4 août, qu'il ait expulsé tous les Calaisiens à l'exception de quelques personnes indispensables au bon fonctionnement de la cité, et que tous les autres aient été envoyés dans le plus grand dénuement vers le roi de France, auquel après tout ils avaient voulu se montrer tellement fidèles. Philippe VI s'est préoccupé de leur sort, il a fait en sorte que ces réfugiés soient recueillis, intégrés dans un certain nombre de villes du royaume, notamment à Carcassonne, et l'on dispose bien d'une ordonnance du 8 septembre 1347 qui rétrocède aux malheureux Calaisiens expulsés l'intégralité des héritages vacant censé échoir à la couronne. Ça, c'est incontestable. Quant à la ville de Calais, me direz-vous, eh bien, elle sera entièrement repeuplée de sujets anglais. Elle restera deux siècles sous la souveraineté britannique. Je dis deux siècles parce que il va falloir attendre François de Guise pour qu'elle ne soit récupérée en 1558 seulement. Alors maintenant, la question qui tue. Pourquoi nos chroniqueurs ont-ils été créés ce mythe du sacrifice sublime des six bourgeois de Calais? Et d'abord, est-ce véritablement un mythe? Bonjour Jean-Marie Meuglin. Bonjour. Vous avez toutes les réponses aux questions que nous nous posons et je suis très impatient de vous entendre nous les apporter. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour nous parler de cet épisode célèbre de l'histoire de France, qui est le siège de Calais et plus particulièrement des bourgeois de Calais, vous recevez cet après-midi Franck Jean-Marie Meuglin. Il est historien, professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne et directeur à l'école pratique des hautes études. Alors vous avez vous-même écrit un ouvrage qui s'appelle « Les bourgeois de Calais, essai sur un mythe historique » qui est paru en 2002 chez Albin Michel. Et vous annoncez la couleur dès le titre, puisque vous nous dites qu'il s'agit bien d'un mythe. Alors, nous allons essayer de prendre les choses point par point. Est-ce que, oui ou non, un certain nombre d'habitants de Calais se sont présentés avec la corde au cou devant le roi d'Angleterre, Jean-Marie Meuglin ? Oui, ça c'est la réalité historique. Nous disposons non seulement de ces deux récits que vous avez mentionnés, Jean Lebel, chanoine de Liège, qui fait le premier récit et qui va être repris, réécrit par Froissart, mais nous disposons aussi de toute une série de récits d'époque qui nous racontent, en gros, la même histoire. Et en particulier, c'est intéressant, des récits qui sont proches du roi d'Angleterre. Les récits qui sont proches du roi de France ne racontent pas cette histoire. Ils disent, voilà, la ville de Calais a dû capituler, ils n'insistent pas. Oui, mais les récits proches du roi d'Angleterre racontent l'affaire dans ses détails et racontent que ces gens sont venus d'accord de coup. Parce que le roi Édouard a le beau rôle dans cette affaire. Il est celui qui gracie, celui qui fait oui, montre de clémence. Oui, en fait. Il gracie, mais c'est pas seulement parce qu'il a le beau rôle, c'est parce que c'est la restitution de son honneur de roi, de sa majesté royale. Édouard III, vous l'avez dit, revendiquait le trône de France. Il considérait qu'il était le roi légitime de France. Les bourgeois de Calais, il avait remporté la victoire de Crécy un an plus tôt, qui est, dans les mentalités médiévales, une sorte de jugement de Dieu. Il avait affronté Philippe VI, il avait vaincu Philippe VI, Dieu avait tranché pour lui. Mais malgré tout, le royaume de France ne s'était pas effondré. Il y avait eu une crise dans le royaume de France, mais le royaume de France s'était repris. Et par conséquent, Édouard III, confronté à cette sorte de rébellion des bourgeois de Calais qui refusent de le reconnaître, a besoin d'un rituel, c'est le mot faut prononcer, d'un rituel de capitulation qui lui restitue son honneur de roi qui avait été bafoué, oui, en tout cas mis en danger. Voilà. Et ce que vous nous dites, c'est que ce type de rituel d'humiliation n'était pas du tout rare. Absolument. On voit ce type de rituel dans presque toutes les capitulations à l'issue des sièges, en vérité. Alors oui, si on fouille les sources, on retrouve toute une série d'épisodes comparables depuis déjà au moins le 11e, 12e siècle, où l'on voit des rebelles qui sont obligés de venir se présenter la corde au cou et qui sont graciés au terme de ce rituel d'humiliation et de reconnaissance de leur faute. Venir la corde au cou, c'est affirmer que l'on a mérité la mort, hein, que cette rébellion, c'est un crime de lèse-majesté. La lèse-majesté entraîne la mort du coupable. Eh bien, c'est une mort symbolique que l'on accepte en venant la corde au cou. Comment se désignaient ceux qui devaient aller se promener comme ça en chemise et la corde au cou? Ce sont des pénitents. C'est, oui. C'est le rituel religieux de la pénitence publique. Si vous avez effectué c'est une amende honorable, en fait. Ouais, c'est une amende honorable, mais c'est vraiment un décalque aussi de cette pénitence publique. Un péché mortel qui est un scandale entraîne la réconciliation du pécheur et ça passe par ce rituel en chemise, pieds nus, la corde au cou. Alors, les six bourgeois de Calais sont donc probablement allés voir le roi d'Angleterre. Tout ça était un peu cousu de fil blanc, si je puis dire. Pourquoi donne-t-on ce rôle d'un seul coup à Philippa de Hainaut, à la reine d'Angleterre qui veut sauver les pauvres malheureux? Alors là, pour le coup, ce sont Jean Lebel et Froissart qui parlent de Philippa de Hainaut. Ça dépend des chroniqueurs, pas les autres. Il est même peu probable que Philippe... Elle était certainement là, mais était-elle enceinte on n'en sait rien. Philippa, la reine, a un pouvoir d'intercession. C'est elle qui doit, auprès de son mari, faire appel à sa miséricorde. Et donc, pour que Édouard III accepte, finalement, de gracier des rebelles, il faut qu'il y ait un puissant intercesseur auquel il ne peut rien refuser. C'est un peu la Vierge Marie qui vient aussi demander à son fils de pardonner aux hommes. C'est un peu le rôle de la reine. Alors, ce qu'il y a de tout particulièrement intéressant dans votre ouvrage, c'est toute la dimension historiographique, c'est-à-dire à partir de cet événement et de la chronique qui en est directement tirée, que vont faire les historiens? Comment vont-ils se placer par rapport à cet événement? Et vous montrez qu'au fil des siècles, on a eu tendance à hystériser cet événement, à le sortir de son contexte et à en faire une sorte de grande page exemplaire. Ça commence très tôt, dès le 16e, nous dites-vous, en fait. Oui, alors très tôt, mais tout de même relativement longtemps, deux siècles et demi après le récit de Froissart, parce que les contemporains qui lisaient Froissart, bon, il y avait... D'abord, c'est un rituel qui a la particularité qu'il doit se nier comme rituel. Ils ne pourraient pas fonctionner si on disait c'est du théâtre, c'est un jeu, on se présente et puis immédiatement on est gracié. Il faut faire comme si, effectivement, on allait risquer la mort. Et donc Froissart a joué sur cette ambiguïté du rituel en construisant, Froissart est un immense auteur littéraire, en construisant cette page, sorte oui. de belle page, ce modèle d'un héroïsme bourgeois, d'une prouesse et bourgeoise. Voilà, Froissart raconte hein, c'est les prouesses des chevaliers, mais les bourgeois aussi peuvent... Intéressant qu'au milieu du XIVe siècle, on ait besoin de donner des lettres de noblesse au comportement bourgeois. Hein. Oui, c'est d'autant plus nécessaire qu'il y avait des bourgeois rebelles. Oui, hein, oui. Au moment où Jean le Bel écrit son histoire, c'est le moment où Étienne Marcel, à Paris, Exactement. S'oppose au roi de France. Donc on construit un bon bourgeois qui, lui, sait... Bon noble, désintéressé, voilà, qui sait donner sa... Voilà. Qui est un fidèle du roi et qui sait aussi faire les gestes qu'il faut. Alors, peu à peu, cet épisode des bourgeois de Calais va entrer dans les histoires de France, si je puis dire, dans le catéchisme civil qu'on apprend aux enfants d'une certaine manière, et c'est au XVIIIe siècle que ça devient un véritable sujet de théâtre en vérité. Oui, oui, oui. Alors vous l'avez dit, dès le XVIe siècle, dès le début du XVIe siècle, on reprend le récit de Froissart, mais on en transforme le sens. Froissart avait dit, ce sont des hommes qui se sont sacrifiés pour leurs compatriotes, par charité, et qui méritent le ciel par cet acte de charité. Au début du XVIe siècle, on va dire, ce sont des hommes qui ont voulu donner leur vie à la patrie. Et ce sont finalement, pour les historiens de l'époque moderne, la reprise des héros de l'Antiquité, ceux dont le sacrifice pour la patrie était raconté par des auteurs comme Tite-Live. Oui. On va raconter l'histoire de France sur le modèle, modèle antique, les vertus morales, l'histoire et la morale. Sauf qu'on fait de Stache de Saint-Pierre et de ses compagnons des sortes de saints, et puis voilà qu'au XIXe siècle, un érudit va trouver dans les archives anglaises des éléments un peu embarrassants pour Eustache de Saint-Pierre. Absolument. Les bourgeois de Calais sont, si on peut dire, au firmament de la gloire en 1765, lorsque un auteur qui avait pris le nom de Bellois fait représenter à la Comédie française une pièce qui met en scène leur héroïsme, qui les présente comme des grands hommes qui apportent quelque chose à l'humanité et à la patrie. Et peut-être sous l'effet de cette gloire extraordinaire que connaît les bourgeois de Calais, un an plus tard, en 1766, un des grands érudits de l'époque, qui s'appelait Bréquigny, découvre à la Tour de Londres, aïe, où aïe, sont aïe. Conservés les documents, des actes d'Édouard III, où Édouard III fait des dons, des faveurs considérables. Il restitue en fait tous ses biens à Saint-Pierre. Absolument, oui. À Eustache de Saint-Pierre. Et alors là, c'est un scandale terrible. On se dit, mais était-il un traître? Héros, oui, c'est ça. Était-il des traîtres? Évidemment, si l'on avait su qu'il s'agissait d'un rituel de capitulation, la question ne se serait pas posée. Mais les bourgeois, héros, grands hommes de la patrie, peuvent-ils encore être des héros et de grands hommes de la patrie quand on les voit recevoir des faveurs du roi? En tout cas, du point de vue des Calaisiens modernes, ce sont des héros incontestablement. Et d'ailleurs, la ville de Calais va le prouver en faisant une commande extraordinaire à l'un des plus grands, sinon au plus grand sculpteur du 19e siècle, Rodin en personne. Et ça sera l'origine de ce groupe dont nous parlons dans un instant. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, grâce à vous et grâce à votre invité Jean-Marie Meuglin, historien et professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne et directeur à l'École pratique des hautes études, nous parlons de ce siège de Calais. Nous sommes en 1346-1347 et nous nous intéressons surtout à ces 6 hommes, les bourgeois de Calais. Oui, alors on a bien compris qu'il s'agit en fait d'un rituel assez classique de reddition dont on observe des exemples dans bien d'autres cas de reddition à l'issue de sièges plus ou moins terribles. En l'occurrence, celui de Calais avait été particulièrement sanglant, hein, il faut bien Absolument. Le dire. Une partie importante de la population était morte. Oui. D'abord, on avait exclu beaucoup de malheureux qui se sont retrouvés dans ce qu'on appellerait nous le no man's land, en fait. Hein, c'est assez terrible. Et puis, ceux qui ont voulu résister sont peu à peu morts de faim. Il faut dire les choses. Hein, ça a été terrible. Donc, les 6 bourgeois de Calais sont bien allés faire amende honorable devant le roi d'Angleterre, mais nous dites-vous, c'est relativement relativement classique. Ils ont été graciés, ce qui est relativement classique. Il n'est donc pas si étonnant d'observer que le roi d'Angleterre ait restitué à Eustache de Saint-Pierre l'essentiel de ses biens. Il n'empêche que c'est, comme vous le disiez, un exemple des vertus bourgeoises portées à leur comble, et que sous un régime comme celui de la Troisième République à la fin du XIXe siècle, c'est un exemple qu'on a très envie de mettre en avant. D'où la commande au sculpteur Rodin. Oui, alors la commande vient des Calaisiens eux-mêmes. Oui, de la ville. Les Calaisiens, finalement, à la fin du XVIIIe siècle, ils sont très contents de cette importance qu'a pris l'épisode des bourgeois de Calais, mais en même temps, il y a l'impact de la révélation des documents de Bréquigny, cette mise en cause de Eustache de Saint-Pierre. Il fallait redorer un peu le blason. Au début des années 1830, il y a, pour les Calaisiens, un coup terrible lorsque la ville voisine de Saint-Omer, la société des antiquaires de la Morigny, c'était une de ces très nombreuses sociétés savantes, met au concours la question sur le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre, et que celui qui gagne le concours explique que Eustache de Saint-Pierre était un traître. Alors pour Calais, évidemment, c'est un affront, une claque terrible, et en même temps, pour ces notables de province, il était important, face à Paris, face au pouvoir central, de montrer qu'eux aussi avaient contribué à la formation de la nation et de la patrie. Ce sont donc les Calaisiens que l'on va voir essayer de mettre en valeur cet épisode des bourgeois de Calais, de démontrer que les bourgeois étaient effectivement des héros, et d'abord des héros de la petite patrie, et de montrer que la petite patrie, la défense de Calais, c'est aussi la défense de la grande patrie. C'est un processus très intéressant. On assiste à une sorte de républicanisation des bourgeois de Calais tout au long du 19e siècle. Les Calaisiens vont expliquer que, bien oui, si Eustache de Saint-Pierre ensuite s'est entendu avec Édouard III, c'est parce qu'il avait été lâché par Philippe VI, que Philippe VI, le roi de France, n'avait pas su défendre les Calaisiens, et que lui, bon, il défendait la petite patrie, lâchée par son roi. Il était légitime qu'il passe cet accord avec le roi d'Angleterre. Il y a donc cet effort pour faire construire un monument. Alors ce monument, quelle idée de le confier à Auguste Rodin? C'est quand même... C'est un peu un hasard. C'est un Calaisien qui avait ses entrées à Paris, qui recommande au maire de Calais, au maire de Vavrin, de s'adresser à Auguste Rodin, qui n'est pas encore, la commande est passée en 1884-1885. Pas encore tout à fait la gloire nationale. Non, ce n'est pas encore le grand Rodin, le sculpteur de la République. Mais c'est déjà l'artiste accompli, parce que ce groupe est d'une force assez extraordinaire. Alors, mais la commande est passée en 1884-1885, et le groupe n'est inauguré à Calais qu'en 1895, à un moment où Rodin est devenu le grand Rodin. Alors on y voit Eustache de Saint-Pierre, Jean Day, Jacques et Pierre de Huissant, Jean de Fienne évidemment, et Andrieux d'Ardres, donc ce sont les noms des bourgeois. Chacun incarne en quelque sorte à lui tout seul une vertu particulière de ce sacrifice collectif. Il y a quelque chose de très collectif, de quasiment de glaiseux dans cette statue, comme si les personnages sortaient d'un même terreau. C'est assez étonnant à voir. C'est très réussi. On en a fait beaucoup de copies d'ailleurs, il faut le dire. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'avaient voulu les Calaisiens. Oui, ils sont furieux. Les Calaisiens voulaient la représentation d'une sorte d'héroïsme joyeux. Des bourgeois qui sont contents de se sacrifier pour la patrie. Oui. Ce sont des morts-vivants. Et là, on voit des gens dans la représentation de Rodin qui ont peur de mourir. Eh oui, bien sûr. L'expressionnisme de ce groupe de Rodin, c'est pas du tout ce que les Calaisiens avaient souhaité. Mais là, il y a l'histoire propre de la construction du monument de Rodin qui explique que ça s'est malgré tout fait ainsi. Figurez-vous que nous avons en ligne le président d'honneur de la Société des Amis du Vieux-Calais, Stéphane Curveillé. Bonjour Stéphane Curveillé. Bonjour Franck Ferrand, Jean-Marie Beuglam. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous connaissez mieux que personne cette histoire de Calais, et j'imagine que le groupe de Rodin est aujourd'hui l'une des fiertés de la ville, il faut le dire. Ça, les Calaisiens ont changé d'avis à propos de cette statue. Hein. Oui, il y a une évolution par rapport à la statue. D'ailleurs, quand elle a été restaurée, les Calaisiens se sont déplacés en masse. Il y a quelques années, il y a un engouement pour la statue de Rodin. Et donc, il y a un peu une aversion par rapport à cette statue, tout à fait. Alors, le Calais dont nous avons parlé aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on peut visiter. Il faut dire que la ville a été sévèrement bombardée, bien entendu, pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, la ville a été bombardée en 1914-1918. Elle a été bombardée en 1939-1945. Oui, pendant les deux guerres, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pendant les deux guerres, et surtout la Deuxième Guerre mondiale également. Mm-hmm. Et, en fait, c'est une erreur. Au départ, ça devait être Dunkerque qui devait être bombardé. Et finalement, c'est Calais qui a été bombardé par erreur. Ce qui fait qu'il restait très peu de monuments de l'époque médiévale à Calais. Hein. Alors, c'est un port important, Calais, à l'époque. Hein. Ça représente quand même plusieurs milliers d'habitants. Une dizaine de milliers, à peu près, semble-t-il, pour autant qu'on sache. Alors, par rapport aux historiens, il y a un débat. Jean-Marie Meuglin pourrait le dire aussi bien que moi. Il y a eu un débat entre historiens. Selon les médiévistes, selon certains historiens, on pense à Lederville qui parle de 15 000 habitants. Et en revanche, la plupart des historiens médiévistes auraient plutôt envisagé vers 1300, à peu près 6 000 à 8 000 habitants. Donc, quelques années avant le siège. C'est le point de vue du chanoine de Platel, des historiens belges, nos amis belges en particulier. Voilà. Oui. Donc, c'est quand même un port relativement important. C'est une ville qui, pour l'époque, est importante. Mais il faut bien imaginer quelque chose d'assez étroit par rapport à aujourd'hui, bien entendu. On en fait le tour en peu de temps de ce Calais médiéval, bien sûr. Alors exactement, en fait, ça correspond à peu près, en partie au Calais Nord actuel, ça s'appelle le Calais Nord, et vous n'avez plus les anciennes fortifications, sauf à un endroit où on y a installé un genre de stèle, pour rappeler qu'il y avait là les anciennes fortifications médiévales, ont traversé la ville, j'irais en 10 minutes, au grand maximum à pied, plutôt 5 minutes au total. Oui. Voilà, donc ça se traversait très rapidement. Dans l'ensemble, les villes médiévales n'étaient pas toujours aussi étendues qu'on le pensait, d'ailleurs aussi. Je voulais signaler, Stéphane Corveillé, que vous allez donner ce vendredi, là, le 21 octobre prochain, au Musée des Beaux-Arts de Calais, vous allez donner une conférence, enfin la première partie d'une conférence sur les Flamands et la mer, vaste sujet, et qui est peut-être au cœur d'ailleurs de l'affaire dont nous avons parlé aujourd'hui, même si je n'ai pas insisté moi sur cette dimension-là. La deuxième partie de la conférence aura lieu au mois de novembre. Vous parlerez aussi au mois de décembre des protestants dans la région de Calais au XVIIe siècle. C'est bien de faire vivre cette culture locale et de montrer que Calais, ce n'est pas seulement le camp de Sangatte et la jungle, bien entendu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous remercie par rapport à votre émission, parce qu'on peut parler d'autres choses à Calais de la jungle, même si la jungle, c'est important, bien entendu. Et bon, pour les protestants, je me permets de préciser que c'est un de mes collègues, Alain Chaublin, qui en parlera. En revanche, c'est vrai que je veux parler des Flamands et de la mer, de Calais à Bruges, au Moyen-Âge. Merci beaucoup, Stéphane Curveillé. On peut dire qu'il ne reste pas grand-chose, somme toute, du Calais médiéval, Jean-Marie Meuglin. C'est pas... Non, il ne reste malheureusement que peu de choses du Calais médiéval. Quelques reste malgré tout. Il y a en particulier une superbe église en style qui date de l'époque anglaise, en style Windsor, qui mériterait d'être restaurée. Mais il faut reconnaître que du Calais médiéval, il reste relativement peu. Oui, il y a quand même en revanche un certain nombre de choses à voir à Calais. C'est ce que je vais vous demander de nous dire là dans un instant. On va parler notamment de ce musée des Beaux-Arts, de l'église Notre-Dame, etc. Enfin, des raisons, des bonnes raisons qu'on peut avoir d'aller se promener dans cette région. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et chaque jour sur Europe 1, de 14h à 15h, Franck Ferrand vous propose une plongée dans l'histoire et une plongée quelque part en France. Vous l'avez compris aujourd'hui, après avoir parlé des bourgeois de Calais, nous allons donc dans les Hauts-de-France pour une balade où vous pouvez d'ailleurs voir à Calais la statue des bourgeois signés Rodin. Ah oui, devant l'hôtel de ville, très bel hôtel de ville qui date de 1911, qui a été restauré pour cause, et qui mélange, vous savez, ces styles renaissance et flamand. C'est un édifice assez spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Le beffroi d'ailleurs fait 78 mètres de haut, et pour les plus courageux, il vous offre sur la ville et sur les alentours une vue absolument totale et panoramique. C'est assez magnifique. magnifique. Je vous signale qu'un spectacle aura lieu sur cette place d'armes à la halle. Ça s'appelle Les Chroniques de Calais. C'est l'association Splendeur de Calais et de sa contrée qui organise ce spectacle historique. Ça aura lieu le vendredi 11 et le samedi 12 novembre prochain à 19h et à 20h. Et évidemment qu'on parlera des six bourgeois de Calais. On parlera aussi de la dentelle, bien entendu, du mariage d'un certain capitaine de Gaulle qui est venu se marier là. D'ailleurs, il y a une statue des époux de Gaulle, hein, Charles et Yvonne, au pied de la tour du Guet, qui se trouve être la plus ancienne, le plus ancien monument de Calais. Comme son nom l'indique, cette tour du Guet avait pour objectif de guetter l'arrivée intempestive d'ennemis et aussi de prévenir en cas d'incendie, parce que n'oublions pas que nous sommes dans des contrées où il y a très peu de relief. Donc il faut pouvoir monter pour apercevoir les dangers de tous ordres, Jean-Marie Meuglin. Oui, absolument. Je reviens sur ce que vous disiez, l'épouse du général était de Calais. Ben oui, tout simplement. Vendroux. Bien sûr, Yvonne Vendroux était maire de Calais. Oui, c'est une côte, c'est une très belle côte, hein, la côte du Nord. Vous avez une alternance de dunes qui sont des paysages impressionnants. Cette côte de Palme magnifique, oui, absolument. Et puis des falaises. Hein, vous bien avez sûr. Tout à côté le cap Blanc-Nez, qui est un très beau cap sur cette côte du Nord. Et puis vous avez la mer, hein, cette mer avec ses marées extraordinaires qui font quand même le charme de cette région. Vous parlez des vestiges médiévaux de Calais, il y a l'église Notre-Dame, oui, qui est la plus ancienne, avec son architecture en grande partie Tudor. Là, on voit bien l'influence anglaise, et pour la petite histoire, c'est là justement que se sont mariés Yvonne Vendroux et son fiancé, un certain capitaine Charles de Gaulle. Vous parliez de cette côte également. Citons le phare qui se trouve dans le quartier du Courguin maritime, où des bateaux de pêche viennent chaque jour s'amarrer pour vendre directement la pêche du jour, si l'on peut dire. Ce phare a été installé en 1848, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'ait pas été du tout endommagé pendant les deux guerres. Il faudrait parler aussi dans ce même quartier de la colonne Louis XVIII, qui rappelle tout simplement le passage, l'arrivée, le retour. Louis XVIII est arrivé en France, et Louis XVIII après son très long exil, évidemment, de faire fond sur cette histoire des bourgeois de Calais. Alors il y a aussi des illuminations. Je parlais de l'église Notre-Dame. Elle est illuminée. Ça s'appelle Ombre et Lumière, avec une déambulation lumineuse et musicale. Là encore, du 10 au 12 novembre, de 18h à 22h, et le 13 novembre, de 19h à 22h. On pourrait citer toutes sortes d'animations culturelles, hein, qui font de cette ville de Calais une ville extrêmement présente. Et puis, bien sûr, pour évoquer les bourgeois de Calais, dont une dix douzaine de reproductions figurent dans pas mal de musées à travers le monde, il faut aller au Musée des Beaux-Arts, qui a été inauguré en 1966. Et dans ce musée des Beaux-Arts, on évoque bien entendu toute l'histoire et toute la genèse de ce groupe sculpté de Rodin, les bourgeois de Calais. Vous pouvez voir aussi toutes sortes de sculptures des 19e et du 20e siècle. Avec aussi, et ça serait l'objet d'une autre émission, mais assez passionnante, un certain nombre de collections liées à l'histoire locale, peinture, art graphique, exposition d'art contemporain, etc. Donc, ce musée des Beaux-Arts est ouvert tous les jours de 13 à 18 heures, ou 17 heures, je crois, à partir de, voilà, maintenant en hiver, et ça n'est fermé que le lundi. Voilà. Je n'ai pas fait le tour complet de tout ce qu'on peut voir à Calais, mais ça vous donne déjà un petit aperçu.